L'invité du jour, animé par Stéphane Weiss. Bonjour et bienvenue dans l'invité du jour. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Christian Moulier. Bonjour. Bonjour. Christian Moulier, vous êtes chanteur lyrique. Vous venez nous présenter un très beau spectacle intitulé Histoire du fleuve Garonne, de l'Antiquité à nos jours. Alors, ce spectacle sera joué le 15 août à 22h à la Tour La Cassagne à Beauvais-Village. Comment se présente ce son et lumière ? Ça se présente très bien parce que d'abord nous avons un site qui se prête parfaitement à la circonstance car il s'agit d'une tour du XIVe siècle qui a été bâtie à peu près autour de 1350 et qui jetait un œil sur la Garonne qui est à 200 mètres parce qu'il y a en face le gué donc de Lussan qui est particulièrement difficile à cerner et donc au cas où il y aurait eu des passages de soldats anglais, il y avait cette tour. On passe aussi que il y avait 30 péages depuis le Moyen-Âge entre Toulouse et Bordeaux et les bateaux qui passaient régulièrement sur Garonne étaient obligés de payer et donc on pense qu'il y avait quelques canons qui traînaient pas loin de la tour pour impressionner les passagers de bateaux qui devaient payer pour pouvoir continuer leur route fluviale. Alors le lieu est important, c'est ce qu'on disait, cette tour La Cassagne, puisqu'il y a une volonté des pouvoirs publics de la réhabiliter et redonner aux habitants. Tout à fait. Il y a à Beauvais donc deux petits trésors liés à Garonne. C'est cette tour La Cassagne et juste après la cale qui vient d'être dernièrement mise à jour, qui était entièrement enterrée. Et donc lors des travaux dernièrement, ils ont retrouvé cette descente toute en pierre qui amène au quai de Garonne et qui servait depuis de très très nombreux siècles à charger et décharger les bateaux. Et donc le FEDER, le Fonds européen du développement rural, donc aide sur dossier les communes qui souhaitent réhabiliter le fleuve et rendre aux populations le fleuve tel qu'il l'a toujours été. Alors comment avez-vous conçu ce spectacle ? C'est un son et lumière, je le disais. Qu'est-ce qu'on va découvrir ? On ne va pas tout dire, hein, bien sûr. On ne va pas tout dire, mais ce n'était pas très difficile pour moi parce que je suis né au passage d'Agen, au bord de Garonne. Donc, je suis un peu, depuis toujours, proche de ce fleuve. Et donc, je me suis intéressé à son histoire. L'histoire d'un fleuve n'est intéressante que si, bien sûr, on y greffe l'histoire des hommes, puisque ce sont les hommes qui ont évidemment dompté, tant bien que peu, le fleuve en installant des villes, des villages et en exploitant tout ce qu'on pouvait exploiter du fleuve. Alors c'est un spectacle pour lequel il y a toute l'histoire du fleuve Garonne qui est le seul fleuve occitan de France, puisqu'il prend ses racines, il prend sa source, non pas en Espagne, mais d'abord en Occitanie, qui est devenue ensuite l'Espagne, sur Biella, évidemment le Trou du Taureau, le Mont Maladeta, et donc il continue jusqu'à Bordeaux, qui est toujours l'Occitanie. Et donc c'est un fleuve occitan. Et c'est un fleuve de montagne, donc c'est pour ça qu'il est impétueux, beaucoup plus que les autres, et que Garonne est un fleuve très particulier. D'ailleurs, Garonne, en occitan, Garuno, veut dire la rivière de cailloux, et donc on a des galets et des cailloux partout qui viennent évidemment de Garonne. Ce son et lumière, c'est le son des superlatifs, hein, parce que c'est un spectacle de superlatifs, parce qu'il y a, je crois, on balaie 6000 ans d'histoire, 1200 visuels sont projetés au public, c'est assez gigantesque. Et puis vous avez créé donc 15 chansons liées à cette histoire de Garonne. Voilà, nous voulions un spectacle qui puisse donner au public quelque chose de fort. Donc il y a sur la tour La Cassagne, le soir à 22h, elle est entièrement illuminée avec des couleurs changeantes et nous projetons sur un des grands murs de 80 mètres carrés 1200 diapositives et des photos par laser de l'histoire des Phéniciens jusqu'à l'Airbus. Les Phéniciens transportaient le papyrus il y a 80 4000 ans sur Garonne, et aujourd'hui encore, on transporte l'Airbus, qui est le dernier né de la technologie, sur Garonne également. Donc il y a ce grand écart entre 2017 et 4000 ans avant Jésus-Christ, et donc Garonne a été quelque chose de très très important, puisqu'il y avait en moyenne 5 à 6 000 bateaux par an sur la Garonne. Et donc on a voulu projeter 1200 photos en couleur sur les murs et mettre beaucoup de sons. J'ai 5 musiciens qui travaillent avec moi, avec beaucoup d'effets sonores, et donc on sonorise toute la place, et il y aura 1000 chaises qui seront devant la tour. Donc nous attendons 1000 personnes ce soir-là pour le 15 août. Voilà, et ce qu'il faut préciser, c'est que c'est gratuit. C'est gratuit. Absolument, c'est-à-dire que c'est offert par la mairie de Boué, qui a souhaité faire plaisir à tous les gens et surtout découvrir ou redécouvrir l'histoire de Garonne comme ils ne l'ont jamais entendue. Alors je le disais, vous avez composé 15 chansons pour ce spectacle, ça c'est un travail phénoménal. Un an de travail, évidemment j'ai couru tous les musées de la Batellerie, de Conflans-Sainte-Honorine dans les Yvelines à Lormont, de Toulouse à Auvillard, et donc je me suis véritablement imprégné de façon historique sur toute l'histoire de la batellerie et le Moyen-Âge et toute l'histoire évidemment qui a été entièrement contrôlée par des historiens avérés, et de ces textes que j'ai écrits, j'en ai composé des chansons, j'en ai écrit la musique, et donc ça a permis d'être très complet en chanson sur l'histoire de Garonne et des hommes de Garonne. Il n'y avait pas de chanson, hein, c'est ce que vous me disiez en préparant l'émission, il n'existait pas de chanson vraiment intéressante, on va dire, autour de la Garonne. Il y avait des chansons de batelier depuis toujours, mais qui racontaient le vin, les filles et le soleil. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire rentrer dans une chanson un thème historique. Donc, il y a plusieurs thèmes que j'évoque, hein, le thème des crues terribles, le thème des noyés qui est très tragique. Il y a également, j'ai écrit un Ave Maria des bateliers qui n'existait pas, et quand on voit le nombre de chapelles qu'il y a en bord de Garonne, c'est excessivement important. Donc j'ai souhaité travailler sur différents thèmes pour remplir l'histoire et raconter l'histoire en chanson. Vous le disiez, vous n'êtes pas seul, hein, sur scène, et vous êtes entouré de musiciens. Voilà, il y a 5 musiciens, il y a un batteur, Alberto Battista, il y a un bassiste avec Gérard Losco, il y a double clavier avec Patrick Loré de Loré Musique à Villeneuve-sur-Lot, il y a la violoniste qui est Rosine Trémeau, et Bernard Pellerin qui est très connu, qui est chanteur occitan, qui m'accompagne dans les chœurs et qui joue de la boe. C'est-à-dire, la boe, c'est la cornemuse landaise, une petite cornemuse qui se jouait sur les bateaux de Garonne au XVIIIe siècle. Bon, on est complètement immergé dans l'histoire, hein, bien sûr. Et puis, je précise que donc, ce 15 août, bien sûr, il y a donc votre spectacle à 22h, mais en fait, les festivités commencent à 15h. Il y a un certain nombre d'animations, justement, sur le site de la Tour La Cassagne et à Boué Village. À Boué Village, donc au bord de Garonne, qui est juste après Passeligne, bien connu maintenant, sur la grande esplanade qui a été aménagée dernièrement, il y a un campement médiéval avec des tentes et des artistes qui, en tenue de cette époque-là, du Moyen-Âge, montrent aux enfants comment on fabriquait la teinture, comment on faisait des armes, comment on faisait des arcs, comment on faisait les cottes de mailles. C'est des sortes d'ateliers dans des toiles de tente comme autrefois. C'est gratuit, c'est entièrement offert, c'est fabuleux, c'est la troupe Herpaï qui propose ça, c'est très très pédagogique, c'est très historique, il y a beaucoup d'objets, des reproductions du Moyen-Âge, il y a des combats du Moyen-Âge, et donc c'est très très intéressant pour les adultes et surtout pour les enfants. Donc je vous invite à venir parce que c'est gratuit. Et donc ensuite, à partir de 19h, il y a de la restauration avec beaucoup de très bonnes choses à boire et à manger, et en plus ce n'est pas cher du tout. Il y a des tables et des chaises, et donc tout le monde est content, et il y aura 1000 places assises pour le concert à 22h. Voilà. Et tout ça gratuit. Donc c'est, le rendez-vous est pris, c'est le 15 août à partir de 15h donc pour les animations, le repas à 19h, 19-20h. Hein. Oui. Et puis ensuite, on aura le plaisir de vous de voir votre spectacle et de vous entendre donc à 22h à la Tour La Cassagne le 15 août à Boé Village. Est-ce que vous avez le souhait de promener ce spectacle dans d'autres villes autour de la Garonne ? Bien sûr. Il y a 90 villes qui sont en bord de Garonne et totalement et directement intéressées par donc, le sujet. Ça fait une tournée. Oui, absolument. ça va des Pyrénées jusqu'à Bordeaux, mais ça va encore plus loin puisque là, je viens de signer donc 4 concerts au Canada sur le Saint-Laurent. Pourquoi ? Parce que en faisant toutes mes recherches, évidemment, de l'Antiquité à nos jours, nous savons que dans les années 1700, le comte donc Maurès de Malartic, donc vous avez l'hôtel de Maurès à Agen, était un militaire qui est parti de Montauban pour soutenir au Québec les Acadiens qui étaient attaqués et déportés par les Anglais. Et donc il y a eu énormément d'Aquitains, de bateliers aquitains qui avaient l'habitude de travailler sur des bateaux, sur des barques avec des voiles, les gabarres, les cordages, et ce sont, pour gagner plus d'argent, sont rentrés dans l'armée française en 1700 et sont allés combattre, après avoir descendu la Garonne, traversé l'océan et remonté le Saint-Laurent jusqu'à Québec, sont allés se battre. Et donc il y avait des Agenais qui sont allés défendre les Acadiens, la liberté du Canada français de l'époque contre les Anglais. Et tout ça a articulé un nouveau spectacle que je suis en train d'écrire, totalement historique, et qui sera donné l'été prochain, en 2018, dans 4 villes du Canada, dont Québec. Donc un carnet de commandes important et des concerts en perspective. Oui, oui. Alors, pour l'heure, donc, c'est le spectacle que vous proposez, Christian Moulier, et qui s'intitule « Histoire du fleuve Garonne de l'Antiquité à nos jours ». C'est le 15 août, donc, à 22h, à la Tour La Cassagne, à Boé Village. Et c'est gratuit, donc on vous attend nombreux. Et puis, il y a toutes les animations dont nous parlions il y a quelques instants, à partir de 15h, toujours ce 15 août 2017, et toujours à Boé Village, donc je vous invite à venir nombreux. Si vous souhaitez des renseignements complémentaires, vous pouvez joindre le 06 23 62 98 13, et puis il y a aussi une adresse email, si vous voulez avoir des renseignements supplémentaires, vous pouvez envoyer un email sur operial.production@gmail.com. Merci beaucoup, Christian Moulier. Merci. À bientôt, au revoir. Merci. C'était l'invité du jour, animé par Stéphane Weiss.